Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission où nous parlons radio durant trois quarts d'heure à travers les carrières de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Et pour la reprise et cette nouvelle saison qui démarre, on va se pencher en grande partie sur ce qui fait l'avenir de la radio, le DAB+, la radio numérique. Elle est déjà en place, en plein chantier, et elle va franchir de nouvelles étapes très prochainement. On en parle avec notre invité, membre du CSA qui suit de très près son développement. Mon invité se nomme Hervé Gotchaud. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission, dans laquelle on a déjà abordé le sujet à plusieurs reprises avec nos invités. Mais la mécanique des ondes, hein, c'est pas de l'actu, c'est aussi et surtout raconter le parcours de nos invités. Alors, je vais commencer par vous poser cette première question. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Alors, la radio associative, oui, en tant qu'auditeur, parce que, en fait, j'ai un âge suffisant pour avoir le souvenir, quand j'étais adolescent, des radios pirates, des radios libres, qui, à l'époque, émettaient sans autorisation, en dépit de l'État, et qui étaient, en fait, les ancêtres, d'une certaine manière, des radios associatives. Les radios associatives, c'est vraiment une spécialité française, hein, si j'ose dire, par rapport au reste du paysage radiophonique européen, qui sont vraiment des héritières de cette époque. Alors aujourd'hui, elles sont autorisées par le CSA. Elles font tout en bonne et due forme, mais elles ont gardé cet esprit un petit peu libre, moins formaté peut-être que des radios purement professionnelles. Donc je suis ravi d'être au micro d'une radio associative. Alors vous dites que vous écoutiez des radios pirates à cette époque. Vous avez des souvenirs très marquants de certaines ? Ah oui, très marquants. Oui, je me souviens de Carbone 14 et de Jean-Yves Lafesse et de son équipe à l'époque. C'était quand même des choses qu'on ne pourrait absolument plus mettre à l'antenne aujourd'hui. Mais voilà, c'était assez rafraîchissant. Et puis, il faut se rappeler quand même que tous les grands patrons des radios aujourd'hui, y compris les plus importantes, ont commencé pour la plupart comme ça. Certains sont allés chercher des émetteurs ça et là quand ils avaient une quinzaine d'années, les ont installés dans le grenier des parents, dans des conditions qui étaient très rock'n'roll. Et même sur des radios très professionnelles aujourd'hui, le fait qu'ils dirigent ces radios-là, qu'ils soient restés dans ce milieu-là, fait qu'il y a un état d'esprit qui est resté, en tout cas quand on échange avec eux. C'est très marqué. Un héritage dans le temps. Oui, absolument. Et en écoutant ces radios, est-ce que il n'y a pas le virus de la radio qui vous a atteint ou vous n'êtes pas dit et pourquoi pas moi si je tentais l'aventure ? Alors je l'ai tenté quand j'étais encore lycéen et que je savais pas d'ailleurs que je deviendrais journaliste ensuite. Quand j'étais en terminale, pendant que les copains allaient jouer au foot, ben moi je faisais de la radio. À l'époque c'était sur Énergie à Nancy. Puis sur Fun. Alors c'était l'époque où Énergie et Fun n'avaient pas des antennes nationales comme elles en ont aujourd'hui. Des franchisés, je crois. C'était des franchises, voilà, exactement. Et donc moi j'étais sur la radio franchisée de Énergie à Nancy, puis de Fun à Nancy. Et donc je faisais tous les dimanches 6 heures d'antenne avec de la musique. Et c'était franchement, j'étais pas un bon animateur. Hein. Avant d'en parler, j'ai bien vérifié qu'on n'en retrouvait plus aucune trace nulle part pour être sûr qu'on me ressorte pas alors, ce genre de dossier. Alors j'ai essayé. Je confirme. Voilà. Mais c'était très très formateur et c'est vrai que ça m'a bien conditionné ensuite quand j'ai fait plutôt de la télévision. J'en ai gardé après une certaine aisance au micro et un certain sens de la liberté. Et donc le virus, je l'ai attrapé à cette époque et en fait je m'en suis jamais complètement débarrassé. Il suffit que je me retrouve derrière un micro et vous voyez que je suis très bavard. Et du coup, vous dites que vous êtes lancé en télévision. Est-ce que là, c'est un peu par hasard ? C'est lié à votre formation de journaliste, hein, je suppose ? Oui, alors en fait, après avoir passé mon bac, j'ai fait une école de journalisme dont l'accès d'ailleurs a été un peu conditionné par le fait que je faisais de la radio avant. Ça les avait interpellés, ça leur avait donné envie de me donner ma chance à l'école de journalisme. Et c'est vrai qu'à la sortie de l'école de journalisme, j'avais le choix entre partir vers le réseau de Radio France ou partir vers le réseau de FR3, parce que c'était FR3 à l'époque. Et moi, j'aimais bien l'idée de travailler sur l'image, l'idée de travailler en équipe aussi, parce que journaliste radio, en tout cas à l'époque, c'était quelque chose qui était relativement individuel. Et moi, j'avais envie de travailler avec des équipes de tournage. Et donc, je suis parti vers la télévision et j'y suis resté plus de 30 ans. Donc, au sein du service public, il y a eu France 3, il y a eu RFO, donc l'Outre-mer. Absolument. Et puis ensuite, au sein de France 3, vous avez gravi les échelons petit à petit au fil des années. Mais entre-temps, le virus de la radio ne vous a pas titillé un peu? Vous n'avez jamais dit du journalisme à la radio, pourquoi pas tenter le coup? J'en ai pas eu vraiment l'occasion. Alors si, en tant que chroniqueur et éditorialiste économique, où j'intervenais aussi sur France Info, dans le cadre notamment de l'émission Des Informés, qui était à la fois sur France Info Télé et sur France Info Radio, ce qui m'a donné l'occasion de revenir dans des studios de radio, et ce qui était très agréable. Mais non, j'y suis pas revenu en tant que journaliste. Mais en revanche, je suis un très gros consommateur de radio en tant qu'auditeur. Là pour le coup, j'écoute plusieurs heures de radio par jour. Je commence pas ma journée sans écouter plusieurs radios, les grandes interviews, les grands journaux, les grands chroniqueurs. Je passe de l'une à l'autre tout en faisant ma petite revue de presse sur ma tablette numérique. Et ça, c'est des vieux réflexes de journaliste que j'ai gardés, parce qu'on peut pas arriver à la rédaction sans savoir exactement ce qui s'est passé dans la nuit avant de venir travailler. Et encore aujourd'hui, le petit déjeuner chez moi, c'est très très long. Ça peut durer jusqu'à 1h30 pour avoir le temps de faire la revue de presse et d'écouter les radios. Alors justement, la radio, quel lien vous avez avec? Comment vous le définiriez, ce lien que vous avez avec? C'est un lien en fait qui est très très intime, c'est-à-dire que la radio m'accompagne un peu tout au long de la journée. Je viens de vous parler de ma matinée radio avec les matinales, mais ça continue aussi dans la journée. Ça peut être à mon bureau au CSA, ça peut être en voiture, ça peut être chez moi le week-end ou en vacances. Et alors là, quand c'est dans la journée, je peux écouter de tout. Je suis très éclectique dans mes choix, pas mal de radio musicale. De tout genre, ça peut aller du jazz au rap, en passant par des radios rock ou des radios avec plutôt des titres gold, comme on dit, ouais, des titres des années plutôt 80. Et c'est vraiment, c'est selon l'humeur, mais ça me suit vraiment toute la journée et 7 jours sur 7. Et ça vous arrive aussi d'écouter ce qui se fait en radio au-delà de la France, à l'étranger? Non, pas vraiment en fait. C'est vrai que c'est une curiosité que je devrais avoir. Je lis des choses évidemment sur ce qui se fait. Je reste très centré sur la France. Il faut savoir qu'on a un paysage radiophonique français qui est énorme en fait. Hein. On a près de 1000 radios en France, ce qui est très largement supérieur à ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays. Donc il y a déjà pas mal de choses à découvrir sur notre territoire. Alors, pour revenir à votre parcours, Hervé Gotcho, donc vous êtes arrivé au CSA depuis février 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, juste avant ça, vous étiez rédacteur en chef des opérations spéciales et éditorialiste sur France Info, la télé, pas la radio. Absolument. Du coup, comment on passe de France Info au CSA? On y passe parce que moi, je pense que j'étais arrivé au bout de quelque chose. Ça faisait plus de 30 ans que j'étais journaliste. J'étais vraiment journaliste de service public. C'est quelque chose d'important. C'est un vrai choix de ma part. Je saurais pas vous dire pourquoi, parce qu'on peut toujours sortir des grands mots sur le journalisme, que c'est la défense de la démocratie. Et c'est vrai, hein, c'est effectivement l'un des piliers de la démocratie. Mais cela dit, ce que j'ai dit dans les écoles de journalisme où j'ai pu intervenir, c'est que c'est important et c'est la défense de la démocratie. Mais en même temps, on ne se lève pas tous les matins en disant « je vais aller défendre la démocratie ». Ce qui vous fait vous lever le matin, c'est que vous avez une curiosité, vous avez envie de rencontrer des gens, vous vous posez des questions et vous avez envie d'avoir les réponses. Et c'est ça qui vous pousse. Et donc, en revanche, je me suis effectivement levé tous les matins pendant 30 ans en disant « je vais informer le public ». En étant sur une ou des chaînes de service public. Donc j'ai toujours eu ça ancré en moi. Et puis, le lien avec le CSA, c'est qu'au bout de 30 ans, j'avais l'impression que j'avais pas forcément fait le tour de la question, mais que j'avais peut-être envie de faire autre chose. Et je me suis porté candidat, en fait, au CSA. Je suis allé voir, en gros, le président du Sénat, Gérard Larcher, parce que je savais qu'il y avait un mandat de mon prédécesseur, de celle qui allait être mon prédécesseur, qui allait se terminer, pour lui dire que j'étais candidat pour aller au CSA. Et pour moi, il y a une suite assez logique, parce que j'ai servi le public comme journaliste à France Télévisions, et je continue de servir le public comme conseiller d'une autorité administrative indépendante, le CSA, qui est en charge de la liberté d'expression, qui est aussi, d'une certaine manière, un pilier de la démocratie, qui est là pour vérifier que tout le monde joue dans les règles. Donc, pour moi, c'est assez naturel, en fait. Alors, du coup, vous avez hérité du pôle radio et audio numérique au sein du CSA. Qu'est-ce qui vous a motivé à candidater, justement, pour ce rôle, pour ce pôle? Alors là, c'est pas moi qui ai candidaté. Là, on m'a demandé de le faire. C'est ça, tout court. Mais franchement, je me suis pas fait beaucoup violence pour y aller. C'est le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, et Nicolas Curien, qui arrivait en fin de mandat et qui était président de ce groupe de travail, qui m'ont, l'un comme l'autre, demandé si je voulais bien prendre la suite. Alors, ça faisait déjà plus de deux ans que j'étais le vice-président de ce groupe de travail. Donc, j'avais pu un peu me mettre dans le sillage de Nicolas Curien et de voir ce que c'était que la régulation de la radio. J'adore la radio. Je trouve que c'est un univers qui est très enthousiasmant. On rencontre beaucoup de gens qui sont très sympas. La télévision, c'est un milieu formidable, mais c'est de l'industrie, hein, donc c'est assez lourd. Il y a moins de fluidité. Il y a d'autres qualités. Moi, ça m'a passionné pendant 30 ans. Donc, mais là, me retrouver dans cet univers de la radio, ça me faisait plaisir. Et puis, alors, dans la foulée, on en parlera tout à l'heure. On a organisé la fête de la radio, qui était vraiment l'occasion, alors là, vraiment, de rencontrer tout le monde, puis dans une atmosphère très festive. Donc, je regrette absolument pas, c'est un vrai bonheur. Eh bien, on va parler de cette nouvelle expérience, de ces nouvelles aventures après une première pause musicale, Hervé Gottschalk. Et alors, on va commencer avec une découverte que vous allez partager avec nous, que je ne connaissais pas. C'est Hans Naina, je prononce bien? Oui, absolument. C'est un artiste mauricien. J'ai découvert un peu par hasard, un soir dans un bar, pour tout vous dire. Quand on parle de l'île Maurice, souvent les touristes moyens pensent immédiatement au Sega, mais non, il y a toute une production musicale avec des artistes de grande qualité, et Hans Naina, qui n'est pas connu en France, a une carrière internationale, il fait des tournées dans le monde entier, et vous allez voir, c'est une très belle voix, je trouve. Some strange emotions, louder and closer, taking your soul away, lifting you all the day. Music speaks the truth, high on a highway. Radio songs that play, speed your soothing says. Whistling something new saves me from the boredom I've been into. Singing it loud, we want more. Singing it loud, we want more. I do music for the soul. Singing it loud, we want more. Singing it loud, we want more. The chords I play plead for it to heal the human race, the human faces. The sounds can do no harm. Music be kind of some magic delight. Oh, it frees you from your boredom, right? Oh, whistling something new saves me from the boredom I've been into. music for the soul. Singing it loud, we want more. Singing it loud, we want more. I do music for the soul. Singing it loud, we want more. Singing it loud, we want more. D'entendre à l'instant est une découverte choisie par un membre du CSA. Il n'y a que dans la mécanique des ondes que c'est possible. Hervé Gauthier est avec nous et à l'instant donc on écoutait Hans Nina, Music for the Soul. Très belle découverte. Merci, je suis ravi de vous l'avoir fait découvrir. Et si vous voulez lancer une radio CSA, on vous mettra la programmation musicale, il n'y a pas de problème. On verra plus tard. Non, parce qu'il y a eu des choix musicaux très intéressants. Bon, on fera la liste tout à l'heure, hein, puisqu'on ne pourra pas tout passer. Mais il y a eu vraiment des choix vraiment très intéressants. En tout cas, Hervé Gauthier, merci d'être avec nous dans la Mécanique des Ondes. Donc, dans cette première partie, nous avions abordé votre parcours, votre métier de journaliste, votre arrivée au CSA. Et donc, là, je voulais savoir, au niveau du CSA, vous avez plusieurs rôles, plusieurs tâches, pas vous personnellement, mais l'ensemble des sages. Est-ce qu'on peut faire une liste plus ou moins exhaustive de ce que des rôles du CSA, notamment vis-à-vis de la radio, puisque vous l'aviez dit hors antenne, la naissance du CSA avait un lien aussi avec l'évolution de la bande FM à l'époque. Oui, absolument. C'est vrai que l'ancêtre du CSA, qui s'appelait la Haute Autorité, a été créé en 1982. Pourquoi ? Parce que on venait de libérer la bande FM. Hein, ça datait de décembre 81. Et immédiatement, toutes les radios qui étaient déjà des radios libres se sont mis à monter des émetteurs, à tirer à toute puissance un peu partout, sans se demander s'ils n'étaient pas en train de brouiller la radio du voisin. Et donc, très vite, l'État a dit il faut absolument qu'une autorité mette de l'ordre dans tout ça. Et c'est comme ça qu'a été créé, donc, très rapidement, après la libération de la bande FM, la Haute Autorité, qui était chargée de gérer les fréquences. Et en fait, c'est le premier métier historique du CSA, mais encore aujourd'hui, c'est d'être un affectataire de fréquences. Vous savez que les fréquences, c'est un bien national qui appartient à tout le monde. Et le CSA, entre autres, est chargé d'affecter ces fréquences à ceux qui le demandent, radio, télévision. C'est gratuit, mais en échange d'un certain nombre d'engagements de la part des médias qui signent des conventions avec le CSA en matière de pluralisme, d'éthique, de la qualité des programmes, de chansons francophones, de couleurs d'antennes parfois qui doivent être respectées, d'un certain nombre d'engagements réglementaires. Et une fois que ces conventions sont signées, le deuxième métier du CSA, c'est de vérifier qu'effectivement ils respectent les conventions qui sont signées. Alors comment ça se passe dans ces moments-là ? Parce que c'est compliqué à surveiller puisqu'il y a des centaines de radios, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est compliqué d'avoir l'oreille partout. Alors on n'a pas l'oreille partout, on n'est pas suffisamment nombreux pour ça. Encore qu'il faut se rappeler qu'il y a les comités territoriaux audiovisuels, les CTA, qui sont en gros les antennes du CSA un peu partout en France, y compris dans les Outre-mer, qui sont des sortes de stations régionales du CSA, qui sont en lien avec les médias télé et radio un peu partout. Alors ça fonctionne soit par signalement, C'est-à-dire que s'il y a un dérapage à l'antenne, il y aura toujours un auditeur ou un téléspectateur pour saisir le CSA. Et puis, bah, du coup, on va aller regarder de quoi il est question. Soit il va y avoir aussi un autodéclaratif sur certains sujets, comme justement le respect, par exemple, des quotas de chansons francophones, où là, chacun va dire, bah voilà, moi j'en suis là, etc. Puis nous, on va avoir des outils aussi pour vérifier qu'effectivement les déclarations sont bonnes. C'est vrai aussi pour les temps de parole politique. C'est un sujet qui va être très à la mode dans les mois qui viennent. Ça a déjà commencé. Voilà, donc après, on instruit à chaque fois, on vérifie que tout est bien conforme. Et puis, si jamais, par malheur, ça n'est pas le cas, alors là, pour le coup, on va éventuellement rentrer dans une procédure de sanction qui peut aller d'une simple lettre de rappel à une mise en garde, voire une mise en demeure. Alors là, si c'est une mise en demeure, c'est assez grave, c'est-à-dire que si jamais le manquement est répété, alors là, on peut déboucher sur une amende, sur une suspension de la publicité sur certaines antennes, voilà. Mais ça n'est cette toute dernière partie, hein, ce dernier étage de la fusée, les sanctions, ça n'est en fait qu'une toute petite partie en fait du CSA. Et puis alors, par extension, on va dire que une fois qu'on a affecté les fréquences et qu'on a engagé les éditeurs via des conventions, maintenant on va dire par extension parce que les temps changent, le monde change et donc la régulation évolue aussi. Maintenant, on est également en dialogue avec les réseaux sociaux sur la lutte contre les fausses informations et demain sur la lutte contre la haine en ligne. On est en dialogue avec les grandes plateformes de vidéos à la demande par abonnement, type Netflix, Amazon et autres, mais aussi des beaucoup plus petites, parce qu'il y en a près de 250 en France quand même, donc il y en a aussi des plus petites, qui rentrent dans le champ de la régulation du CSA. Et donc voilà, le CSA évolue avec son temps, et il va évoluer même jusqu'à devenir l'ARCOM, puisque nous allons fusionner avec la Hadopi à partir de janvier. D'accord, là, j'apprends quelque chose. Donc, futur ex-CSA, donc. Exactement. Et donc le CSA a aussi, bon, les futurs ex-CSA, on va dire, a aussi un vaste chantier qui a démarré il y a quelques années maintenant, c'est la radio numérique, le DAB+. Nos auditeurs doivent un peu connaître, hein, le DAB+, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission, et puis dans d'autres, je pense. Et puis vous êtes vous-même présent sur le DAB+. 24 heures sur 24, absolument. Exactement, contrairement à la FM. Mais peut-être juste rappeler en quoi consiste le DAB+, au cas où, parce que peut-être certains auditeurs et auditrices ne savent pas forcément encore de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai que c'est un acronyme que les Français connaissent pas encore, mais qui vont connaître de plus en plus, parce que ça se déploie de plus en plus vite, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Le DAB+, qui est un acronyme anglo-saxon, c'est en fait la RNT, la radio numérique terrestre. Alors tout le monde connaît la TNT, et ben là c'est la RNT, c'est exactement le même type de technologie. C'est à la fois un signal sécurisé, numérique, donc de meilleure qualité que celui analogique comme la bande FM, et c'est surtout un signal qui laisse plus de place en fait sur les bandes de fréquence, c'est-à-dire que comme pour la TNT, la RNT aujourd'hui, en FM, quand vous avez une radio qui émet, elle utilise une fréquence. Une radio, une fréquence. Avec la RNT, avec une seule fréquence, vous mettez 13 radios différentes dessus. Voilà. Donc, vous prenez beaucoup moins de place. Donc, aujourd'hui, la bande FM, elle est saturée. On ne peut pas avoir de nouvelles stations qui se créent ou qui se déploient. Avec le DAB+, on a à nouveau de nouvelles radios qui se créent. Aujourd'hui, on en a plus de 350. On en aura presque 400 d'ici à la fin de l'année. Et sur ces 350 à 400 radios, vous en avez une sur cinq qui est une nouvelle radio. Donc on enrichit l'offre pour les auditeurs. Et puis la qualité de son est meilleure puisque c'est un son sécurisé, c'est un son numérique. Donc vous n'avez plus d'interférence. Soit vous recevez la radio, soit vous ne la recevez pas. Mais si vous la recevez en qualité comme pour un CD, vous voyez. Donc avec une qualité d'écoute qui est bien meilleure. Puis vous avez des informations sur votre poste de radio DAB+. Et puis le dernier point, c'est que c'est bon pour l'environnement parce que alors la BBC, qui est au Royaume-Uni, où ils sont très avancés sur DAB+, puisqu'ils ont 100% de couverture. Ils ont comparé la diffusion de la radio sur Internet en radio numérique terrestre ou en FM, et c'est la radio numérique terrestre qui consomme le moins d'énergie et qui donc est la moins polluante. Et pour les auditeurs qui n'auraient toujours pas tout compris, on va simplifier les choses avec un petit spot de pub tout de suite qu'on écoute. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+. Alors ce spot était diffusé surtout dans les Hauts-de-France au moment où le DAB avait été lancé à l'époque. Moi j'étais curieux aussi de savoir, est-ce qu'il est prévu de faire une vaste campagne de communication nationale pour prévenir le grand public que la radio passe au numérique? Alors oui, c'est sûr qu'il va falloir parler absolument du DAB+, parce que maintenant il faut que les gens le connaissent, puis il faut qu'ils s'équipent, hein, il faut qu'ils aient un poste de radio. Alors il faut savoir que depuis décembre dernier, vous allez dans n'importe quel magasin acheter un poste de radio, il sera forcément équipé d'une puce DAB, sauf si c'est un tout petit poste d'entrée de gamme, mais sinon ils sont quasiment tous équipés. Si vous achetez une voiture neuve avec un autoradio dessus, il y a une puce DAB, donc voilà. Donc il faut que les Français maintenant sachent ce que c'est et s'en emparent, et donc pour ça, effectivement, il faut le faire connaître. Alors, on en a parlé pas mal lors de la fête de la radio au printemps dernier, et on va continuer de le faire, mais c'est vrai que maintenant, il faut que les éditeurs, les radios, en parlent sur leurs antennes, qu'il y ait des campagnes. Il faut aussi que quand on va dans les magasins, il y ait des étiquettes DAB pour susciter la curiosité avec des vendeurs qui vont pouvoir expliquer de quoi il est question, et pour créer un peu cette petite pelote de communication qui va faire que les gens vont s'en emparer, comme ils se sont emparés de la TNT il y a plusieurs années de ça. Et alors, justement, je veux parler de cette com nationale, excusez-moi, puisque le 12 octobre prochain, le DAB va franchir un nouveau cap et de taille, puisque là, les groupes nationaux privés et Radio France vont rejoindre le DAB, chose qui paraissait encore inimaginable il y a 5 ans, parce qu'elles ont été longtemps très réticentes. Comment vous avez réussi à les convaincre ? Bon, je pense qu'elles se sont un peu convaincues d'elles-mêmes, c'est-à-dire que bon, d'abord on est dans un environnement en Europe où on voit bien que le DAB+ se déploie énormément. On est à 100% de couverture au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hollande, en Suisse, la Suisse qui va bientôt d'ailleurs éteindre la bande FM pour ne garder que le DAB+, la Norvège qui a déjà éteint la bande FM et qui n'a plus que le DAB+ et qui a d'ailleurs plus d'auditeurs qu'elle n'en avait avant avec la bande FM. Donc on voit bien qu'on est dans un environnement où c'est pas une technologie franco-française. Je pense que les éditeurs qui pouvaient être éventuellement réticents s'en rendent bien compte. Et puis voilà, il faut que la radio avance d'un point de vue technologique comme elle l'a toujours fait depuis 100 ans qu'elle existe. Et là aussi, je pense que les éditeurs s'en rendent bien compte avec évidemment l'écoute sur Internet qui, avec les applications, les agrégateurs, c'est important, mais aussi d'un point de vue hertzien avec les gens qui allument leur poste de radio comme ils le font dans encore 85% des cas. Donc, il fallait que ça avance, mais voilà, maintenant ils sont prêts. Tout le monde monte dans ce train du numérique en radio. On est aujourd'hui à plus de 30% de couverture en France avec les antennes nationales du DAB, parce que pour l'instant c'est le DAB+ est répandu d'un point de vue local ou régional. Et puis là, on va avoir donc deux antennes nationales du DAB+ qui vont démarrer avec 25 grandes stations dont vous venez de citer quelques-unes. Donc on va dire que c'est la dernière brique. Et puis maintenant, on va se déployer de plus en plus. On est à plus de 30% aujourd'hui. On espère être à plus de 50% d'ici à la fin de l'année prochaine. Et puis après, un jour, on sera à 100%. Alors sur le développement, justement, donc ces deux multiplexes seront lancés donc d'abord sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Ensuite, les prochaines villes. Est-ce qu'il y a un calendrier de prévu ? Alors, déjà, on va sécuriser, on va dire, ce déploiement-là. Il va falloir discuter avec les éditeurs du rythme auquel on va étendre, évidemment, la couverture. Pendant ce temps-là, il va y avoir beaucoup d'autres couches de DAB+ dans beaucoup d'autres villes et de régions qui vont s'allumer, d'où le fait que on va se déployer de manière exponentielle et que je vous parlais de 50% de couverture l'année prochaine. C'est ça, justement, vous faites bien d'en parler, puisqu'il y a le DAB local qui va encore se déployer l'année prochaine. Absolument. Dans d'autres villes. Donc je me suis dit que l'arrivée des nationaux vont concorder avec ces secteurs-là. C'est bien l'idée. Si vous voyez comme ça, à Paris, pour prendre l'exemple de Paris, entre les couches dites locales, c'est-à-dire l'antenne uniquement sur des endroits très localisés, la couche étendue, c'est-à-dire une couverture avec d'autres radios en DAB+ sur l'ensemble de l'Île-de-France, et puis maintenant l'arrivée des antennes nationales à partir du 12 octobre, octobre, on va passer à pas loin d'une centaine de radios disponibles en DAB+ sur Paris et sa région parisienne. Et c'est à peu près la même chose à Marseille, à Lyon, et puis sur les axes routiers, puisque bah, si vous avez une voiture avec un autoradio équipé d'une puce DAB, et bah, si vous partez de Paris et que vous allez jusqu'à Marseille en voiture, vous pourrez vous mettre sur votre station préférée et l'écouter sur toute la longueur sans avoir à changer de fréquence, sans même avoir à chercher une fréquence, parce que vous allez chercher par le nom de la radio qui vous intéresse et ça ne bougera pas. Eh bien, la radio a un avenir très prometteur avec le DAB+. On va continuer à en parler avec Hervé Gotcho. Juste avant, une deuxième pause musicale. Et là, c'est encore un morceau de votre choix. Et puis, alors, qui tombe à pic avec le sujet. Les Feux Chatterton, un monde nouveau. Bah voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt de circonstance. Un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. C'est un morceau que j'aime beaucoup et c'est un groupe excellent en concert aussi, hein. Testé et validé. Feux Chatterton avec Un Monde Nouveau, choisi par Hervé Gotcho, membre du CSA dans la mécanique des ondes, qui a de très bons goûts musicaux. Hein. Merci. Voilà, alors, je peux citer aussi les titres qu'on n'a pas retenus, puisque vous m'avez fait toute une liste. Hein. Il y avait les Chaka Ponk, il y avait Lulu Van Trapp, que je ne connaissais pas non plus, qui était une belle découverte aussi. Et puis Mistral Gagnant de Renaud, très belle chanson, qui a aussi un petit clin d'œil radiophonique. Si vous regardez le clip attentivement, il y a un moment donné dans le décor où on voit une affiche de Skyrock de l'époque. Alors là, voilà. vous êtes très très fort là sur le côté collecteur. Oui, j'aime bien cette chanson parce qu'elle a, elle a quelque chose d'un peu nostalgique. En même temps, elle parle du temps qui passe, de la transmission de génération en génération. Donc voilà. Et là, la radio passe d'une génération à une autre, de l'AFM au DAB+. Là, on est entre les deux. On en a beaucoup parlé ces dernières minutes. Alors moi, je voulais juste aussi poser une question. Alors c'est par rapport à l'avenir de la radio. Et à certains détracteurs, parce que je lis beaucoup sur Internet des avis qui sont pas forcément positifs hein, par rapport au DAB+. Certains estiment que c'est arrivé beaucoup trop tard, que l'avenir de la radio, c'est par l'IP, la 4G qui se développe, etc. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes pour les convaincre que c'est plutôt sur le DAB? Moi, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que trop tard, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Trop tard par rapport à quoi? Si c'est par rapport à certains de nos voisins européens, c'est vrai. Si c'est par rapport à d'autres voisins européens, on est plutôt en avance. Hein, par rapport à l'Espagne, par exemple, on est encore très en avance par rapport à eux. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est mûr quand c'est mûr. Et puis voilà. Après, la comparaison avec l'écoute en IP, donc l'écoute sur Internet, via les applications, via les agrégateurs... Je pense qu'il ne faut pas opposer les technologies les unes aux autres. C'est un ensemble. Ce qui compte, c'est que aujourd'hui, on le sait, il y a moins d'auditeurs qu'avant en radio. La radio est un peu mise au défi de garder ses auditeurs face à d'autres médias qui se déploient de plus en plus. Ça fait partie des médias traditionnels. Hein. C'est un défi qui a été posé à la presse écrite, évidemment, qui est posé aussi à la télévision et qui est naturellement posé à la radio. Et donc, ça demande de se poser deux questions. La première, c'est comment donner accès à la radio de manière moderne pour les auditeurs. Et donc, ça passe par un mix de diffusion entre la radio numérique terrestre, le DAB+, dont on a parlé, mais aussi, évidemment, l'écoute sur Internet. Parce que quand on est dans la rue, on se promène pas forcément avec un poste de radio collé à l'oreille. En revanche, on a un smartphone. Et avec ce smartphone, via la 4G, on peut toujours continuer d'écouter la radio. Donc, on passe de l'un à l'autre. Aujourd'hui, c'est 15% de l'audience de la radio qui se fait sur Internet. C'est 85% qui se fait en hertzien, qui montre quand même que l'hertzien a encore beaucoup d'avenir. Et puis... aujourd'hui, les gens consomment d'une manière générale les médias de manière très différente. On voit l'essor de la vidéo à la demande, notamment la vidéo à demande par abonnement. Ça, on voit bien qu'en télévision, on ne regarde plus la télévision qu'en linéaire, on la regarde aussi quand on en a envie. Il en va de même pour la radio. Et là, pour le coup, je trouve que le déploiement des podcasts en France, qui prennent énormément d'ampleur, ça a augmenté de 37% la consommation des podcasts par rapport à l'an dernier. Ce sont des millions et des millions de podcasts qui sont écoutés par les Français tous les jours. Je trouve que c'est un mode de consommation qui est intéressant et qui est susceptible de donner un nouveau souffle, si j'ose dire, à la radio. Parce qu'il faut savoir que 9 podcasts sur 10 aujourd'hui sont des émissions de radio qui ont été, ou des produits radio qui ont été encoquillés et mis à disposition du public, que ce soit sur des plateformes directement souchées aux radios concernées, mais aussi sur les plateformes de streaming musical, par exemple, ou sur les pages d'accueil, vous allez trouver des podcasts du service public ou de radio privée. Et donc, je pense que c'est cet ensemble-là qui va faire que les gens vont venir ou revenir à la radio. Et puis, la deuxième question, qui est au moins aussi importante que la première, c'est qu'est-ce qui va distinguer la radio du reste? Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais préférer allumer mon poste de radio plutôt que de regarder la télévision ou d'aller regarder Netflix ou d'aller chercher des informations sur Internet? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la radio? Et là, je pense que toutes les radios associatives ou autres doivent se poser ces questions-là. Alors justement, vous avez voulu redynamiser la radio. Il y a eu un événement qui s'est tenu ces derniers mois. On en écoute une petite publicité sonore. En 2021, on fête les 100 ans de la radio, on fête les 40 ans de la libération des ondes et le lancement de la radio numérique DAB+ partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicales, généralistes, d'information, émissions spéciales, ateliers, journées portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. C'était donc en juin dernier, donc le CSA avait organisé pour la première fois donc une fête de la radio. Ça a duré toute une semaine, c'était riche en événements. Alors, peut-être nous rappeler ce qu'était cette initiative, c'était pour un double anniversaire. Alors oui, au départ c'est une idée du président du CSA, Roch-Olivier Maistre, qui avait lancé cette idée aux éditeurs en disant « et si on faisait une fête de la radio ?» Ce qui est vraiment une super idée parce que c'est... Il y a une fête du cinéma, il y a une fête de la musique, il n'y a pas de fête de la radio. Alors que c'est quand même le média préféré des Français, hein, qui est écouté par près de 40 millions de personnes tous les jours, presque 3 heures par jour. Donc, il n'y avait pas cette fête. Donc, c'était une bonne idée. Et puis, on s'est lancé dedans. On a eu immédiatement beaucoup d'enthousiasme de la part des éditeurs, mais aussi des diffuseurs, des institutionnels aussi qui accompagnent le secteur. Et on a monté cet événement, en plus dans des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes, puisqu'il y avait quand même la crise sanitaire qui était toujours là. Et in fine, on s'est retrouvé avec plus de 500 événements. On voulait quelque chose qui ne soit pas centralisé, qui ne soit pas trop bloqué à Paris, parce que la France, là, c'est la France, hein, c'est loin, c'est partout, c'est aussi dans les Outre-mer. Et dans 84% des événements étaient soit en région, soit dans les Outre-mer. Donc, tout le monde s'en est emparé. Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu près de 140 émissions radio et télé aussi. La télé nous a suivis. Des centaines d'interviews, des débats, des portes ouvertes. Il y a eu plus de 40 ateliers pédagogiques parce qu'on avait le Clémy qui était aussi dans cette fête et qui a voulu amener les jeunes vers la radio et les sensibiliser à ce qu'était la radio. Et puis on était très présents évidemment sur les réseaux sociaux via des milliers et des milliers de posts et de tweets. Ce qui était très important en pleine crise sanitaire, c'est que par exemple, on a illuminé la Tour Eiffel aux couleurs de la fête de la radio, sauf que comme il y avait le couvre-feu, à part les gens qui avaient la vue sur la Tour Eiffel, c'est vrai. Personne ne pouvait le voir. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a pu montrer la Tour Eiffel qui était floquée aux couleurs de la fête de la radio à tout le monde. On sait que plus de 200 000 personnes l'ont vue. Et puis, on a eu ce gros événement qui était « La radio fait son show », où pendant 3 heures, on a rassemblé tous les professionnels de la radio. On a fait une espèce d'énorme émission radio pour parler des métiers de la radio et de son avenir à des gens qui ont suivi. On a eu plus de 6000 téléspectateurs, spectateurs notamment sur Twitter, Facebook, YouTube, etc. On a des artistes qui se sont mobilisés, ce qu'on avait Eddie de Préto, Louane, Grand Corps Malade, Soul King, qui sont venus spécialement se produire pour cet événement. Donc c'était vraiment une réussite, c'était très très enthousiasmant. Et alors, très rapidement, juste, vous allez nous répondre très rapidement. Donc, le bilan est très positif. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura une deuxième fête de la radio l'année prochaine ? Alors, on va en discuter avec les éditeurs. Moi, j'y suis très favorable. J'aimerais bien qu'on ait une autre édition, puis encore plein d'autres à partir de l'année prochaine, avec un autre thème, parce que cette année, on fêtait le centenaire de la radio et les 40 ans de la bande FM. On ne le refêtera pas l'année prochaine. En revanche, parler de la radio de demain dont on vient de parler, le DAB+, et autres, ça, ce serait un bon thème. On verra. Il nous reste deux petites minutes avec Gocho. C'est ça de parler radio, c'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. On passe à la question capsule que j'ouvre tout de suite. Et Simon Marty, animateur à RCF, nous a enregistré une question pour vous. Eh bien bonjour Hervé Gocho. Une question toute simple. Le DAB+, certains en doutent encore aujourd'hui, à l'heure où les réseaux nationaux commencent à démarrer leurs émissions. Est-ce que le CSA va vraiment mettre le paquet pour que ça fonctionne ? Je crois qu'on a un peu répondu à la question. Alors merci pour cette question, Simon. Oui, absolument. Nous mettons déjà le paquet et les éditeurs aussi mettent le paquet, ce qui est quand même le plus important. Les constructeurs aussi, c'est un souci quotidien. Moi, je suis certain que un jour, on aura 100% de couverture en France, que tout le monde sera équipé d'une radio avec une puce DAB et que toutes les radios seront montées sur le DAB. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. À suivre, donc, le temps nous le dira. On va terminer maintenant avec le questionnaire rapide d'Hervé Gocho. Allons-y. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Ouf. Pierre Bellemare, même s'il est décédé, c'était une grande personnalité. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Énergie, puisque c'est là que j'ai démarré. Quelle radio vous réveille le matin ? Plusieurs. Il y a France Info, RTL, Europe 1, il y a plusieurs radios, oui. Quelle radio vous endort le soir ? Alors, j'aime bien une radio qui est sur le DAB, qui s'appelle Radio Crooner, dont je salue d'ailleurs son patron, Jean-Baptiste Tuzet. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Partout, chez moi, mon bureau, en voiture, partout, tout le temps. Alors, plus compliqué, un endroit où vous n'écoutez jamais ? Quand je me promène en forêt. Votre meilleur souvenir ? De radio ? De radio, ou de votre carrière ? On va dire de radio, il y en a deux, Pierre Bellemare que je viens d'évoquer, et puis quand j'étais petit, ma maman écoutait dans la cuisine Radioscopie de Jacques Chancel. Alors je vous avoue que je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait, mais rien que sa voix et la musique du générique, ça me transportait. Et ce générique nous transporte vers la fin de cette émission. Merci Hervé Gauthier d'être passé nous voir. Merci à vous. À suivre donc le DAB+, et la mécanique des ondes donc sur fréquenceprotestante.com et sur lamécaniquedesondes.com.